Femme née en juin, aura le teint et les cheveux rouges, sera robuste, aimera la bonne chair, mais point le travail entre ses repas. Or, qui oserait prétendre que Mathieu Laensberg se soit trompé ou ait jamais trompé? La grande famille formée par tous les ménages de Saint-Jean réunis se prit à réfléchir en regardant les débris du festin. Et le résultat des réflexions de chacun fut ceci. Il n'y a pas de quoi faire un autre repas. J'ai vu le temps, dit frère Bruno, répondant au sentiment général, le temps où nous prenions de beaux mulets, le lupus de Pline, au nord de Tomblaine. L'abbé Gontran, un rude amateur de poissons, les appelait des surmulets, et à cet égard je sais une aventure. Mais, se reprit-il précipitamment, monsieur Hume a défendu de conter des histoires. Dites-nous plutôt comment nous prendrions bien ces mulets, s'écria le petit Jeannin. Avec des filets, mon fils, c'est bien simple. Mais où prendre des filets? Voilà, mon garçonnet, où j'en voulais venir. Nous n'avons pas de filets, par conséquent nous ne pouvons prendre de mulets ou surmulets, suivant l'abbé Gontran, en latin lupus. C'est bien la peine de nous mettre l'eau à la bouche, s'écrièrent trois gotons. La quatrième dormait, comme font encore de nos jours beaucoup de gotons, tout de suite après la soupe. Ah ah, dit le frère Bruno, on est goulu sur la côte bretonne, je sais bien ça, et l'histoire de Toinon Basselet, la maillotière, le prouve du reste. Voyons l'histoire de Toinon la maillotière, crièrent en chœur les filles et les gars. Pour la première fois de sa vie, le frère Bruno comprit le mystérieux plaisir de la résistance. Pour la première fois de sa vie, il put entrevoir la valeur que donne à une chose ou à un homme le « se faire prier ». Cette qualité qui est le seul mérite de tant d'esprits graves et de tant de chanteurs légers. D'ordinaire, quand il voulait compter, on lui coupait la parole. Aujourd'hui qu'il était muet, on le suppliait d'ouvrir la bouche. On s'instruit à tout âge. Le frère Bruno, qui était un homme avisé, fit peut-être sans profit de cette leçon. Nos renseignements recueillis sur les lieux mêmes ne nous donnent néanmoins aucune certitude à cet égard. Je vous dirai l'histoire de Toinon la maillotière à la veillée de la mi-août, répliqua-t-il. Et quant aux mulets ou surmulets, le nom n'y fait rien, je sais quelque chose qui les remplacerait avec avantage. Quoi donc ? Sauter dans le beurre frais, avec ciboule, persil, casse-pierre et civettes à la reine, les lapins de Tomblaine sont à manger de chevaliers. Chassons le lapin, s'écria Jeannin. Chacune des quatre gotons pensa au fond de son cœur, je mangerai bien du lapin. Scolastique, depuis qu'elle avait atteint l'âge de garder les oies, avait envie de manger du lapin. Le petit Jeannin s'était levé, fier comme Artaban, et enjambait déjà le mur d'enceinte, l'arbalète à la main. « Attends, mon fils, attends !» dit le frère Bruno. « Les lapins de Tomblaine sont bons, c'est vrai, mais il n'y en a plus depuis que les Anglais ont tenu garnison dans l'île. »« Oh, les coquins d'Anglais !» gronda le cœur. « Ils aiment le gibier comme s'ils étaient des chrétiens, » repartit Bruno. « Le mieux est de gratter le sable pour trouver des coques, si nous voulons souper ce soir. »« Nous autres, ça ne fait pas grand-chose, » dit Jeannin, qui n'obtint point cette fois l'approbation des gotons. Mais monsieur Hue, mademoiselle Reine et Simonette ne doivent manquer de rien. Eh oh, les Mathurins, au coq, au coq! Eh bien, se disait le bon moine Convert, je raconterai cette histoire-là. Le petit Jeannin du village de Saint-Jean sous la ville de Dole, qui portait une peau de mouton comme Saint-Jean-Baptiste, en l'an 50. Ces détails principaux se gravaient dans un des 1000 casiers de sa redoutable mémoire. C'était de la matière pour plus tard. Les Mathurins, Bruno et Jeannin sortirent de l'enceinte pour aller chercher des coques au revers de Tomblaine. Pendant cela, Aubry était seul avec le vieux sire de Morvert dans la tour démantelée. À deux pas de là, dans un angle saillant de l'ancienne ligne des murailles, Jeannin avait bâti à l'aide de pierres et de planches apportées par le flot une petite cabane où Reine et Simonette étaient assises l'une auprès de l'autre. Simon le Priol, sa femme Fanchon et le reste de l'émigration s'abritaient du mieux qu'ils pouvaient et faisaient leurs préparatifs de nuit. « Mon fils, disait le vieux Morvert à Aubry, ce me fut un grand crève-cœur quand je vous vis jeter votre épée aux pieds de notre seigneur François. C'était pour l'amour de Reine qui est ma fille que vous faisiez cela, et je pensais, me voilà, moi, Hugues de Morvert, chevalier breton, qui enlève une bonne épée à mon duc de Bretagne. Monsieur mon père, répondit Aubry, ce que je fis ce jour-là, tous les nobles du duché le feront demain. Morvert courba sa tête blanche. Alors, puisse Dieu m'épargner le châtiment que j'ai mérité peut-être, murmura-t-il. Et comme Aubry le regardait étonné, le vieillard reprit. J'ai cru faire mon devoir, mais le crime de l'homme est entre l'homme et Dieu. Le crime ne change pas le droit de notre seigneur duc, à qui appartient la vie de notre corps. J'ai mal fait, mon fils Aubry, j'ai mal fait, j'ai mal fait. Il se frappa la poitrine durement. J'aurais dû rester à genoux sur la dalle du cœur, continua-t-il, et tendre mes vieilles mains au fer. Au lieu de cela, traître que je suis, j'ai pris la fuite, parce que je devinais derrière son voile de deuil le doux visage de reine, ma fille, et que je voulais l'embrasser encore. Vous, un traître ? S'écria Aubry. Vous, le saint et le loyal ? Tais-toi, enfant, tais-toi, ne blasphème pas. Oui, je suis un traître, et Dieu m'a puni en livrant aux flammes les demeures de mes vassaux de Saint-Jean. Dans ma solitude, n'ai-je pas entendu comme un écho funeste ? Coëtivy est mort devant Cherbourg, Coëtivy, notre grand homme de guerre. Ainsi s'en vont les Bretons vaillants, laissant leurs dépouilles dans les champs de la Normandie. Je te le dis, Aubry, je te le dis, la Bretagne commence son agonie dans la victoire, comme le duc François lui-même. Un vent souffle de l'Est qui sera une tempête. La France allongera son bras de fer, et l'on dira, c'était autrefois une noble nation que la Bretagne. Aubry ne comprenait pas. Morvert poursuivait, avec une exaltation croissante, les cheveux épars et les yeux au ciel. Maudit soit entre tous les jours maudit le jour où tu mourras, ô Bretagne. Maudite soit la main qui touchera l'or de ta couronne ducale. Maudit soit le Breton qui ne donnera pas tout son sang avant de dire, le roi de France est mon roi. Où est-il ce Breton ? S'écria Aubry. Morvert le regarda d'un air sombre. « Tu es jeune, tu verras cela, » dit-il. « Une malédiction est sortie de cette tombe où dort Monsieur Gilles. Tu verras cela. Nantes, la riche, et Rennes, l'illustre, et Brest, et Vannes, et le vieux Pontivy, et Fougères, et Vitré, seront des villes françaises. Jamais. Bientôt. » Il mit sa tête entre ses mains et ne parla plus. Aubry n'osait l'interroger. Au bout de quelques minutes, le vieillard s'agenouilla devant sa croix de bois et priant. Quand il eut achevé sa prière, il se tourna vers Aubry qui demeurait immobile à la même place. « Enfant, dit-il, si nous étions seuls tous les deux, je te prendrais par la main et nous irions ensemble vers notre Seigneur lui porter notre vie. Mais nous ne sommes pas seuls, et peut-être vaut-il mieux que cela soit ainsi, car le sang ne lave pas le sang. » Et l'esprit de révolte s'exalterait davantage tout autour de nos têtes tranchées. Nous allons être attaqués, sans doute. Fais suivant ta conscience. Moi, je laisserai mon épée dans le fourreau. Moi, je défendrai Rennes, s'écria Aubry. Fallut-il mettre en terre Méloire et tous ces hommes d'armes ? Morvert croisa ses bras sur sa poitrine. Nous en sommes là, dit-il, chacun pour soi, et qui sait si ce n'est pas la loi de l'homme ? À ce moment, la nuit était tout à fait tombée. Le ciel n'était point clair comme la nuit précédente. La grande marée approchait, amenant avec soi les bourrasques sur terre et les nuages au ciel. Il faisait vent capricieux, soufflant par brusques rafales. Le firmament d'un bleu vif, semé d'étoiles qui brillaient extraordinairement, se couvrait à chaque instant de nuées noires. Les nuées allaient comme d'énormes vaisseaux, toutes voiles dehors. Elle mangeait les étoiles, suivant l'expression bretonne. À l'Orient, quand l'horizon se découvrait, on voyait le disque énorme et rougeâtre de la pleine lune qui sortait à moitié de la mer. Cela était sombre, mais plein de mouvement. Quand la lumière de la lune fut assez forte pour argenter le rebord des nuages, tout ce mouvement s'accusa violemment et le ciel présenta l'image du chaos révolté. Dans leur petite cabane improvisée, Reine et Simonette étaient seules. Simonette s'asseyait aux pieds de Reine, à qui on avait fait un banc d'herbes et de goémons desséchés. « Tu l'aimes donc bien, ma pauvre Simonette ?» disait Reine en souriant. « Oh, chère demoiselle, je ne le savais pas hier. C'est quand j'ai appris qu'on allait le pendre que mon cœur s'est brisé. Lui, il y a longtemps, longtemps qu'il m'aime. Bien souvent, je me levais la nuit pour regarder par la croisée de la ferme, et toujours je le voyais guettant sous le grand pommier qui est de l'autre côté du chemin. Le croiriez-vous ? Cela me faisait rire, et je me disais, le drôle de petit gars, le drôle de petit gars. Mais hier, ah Seigneur mon Dieu, que j'ai pleuré !» Ses yeux étaient encore tout pleins de larmes. Reine la tira contre elle et la baisa. « Ah, mais j'ai pleuré !» poursuivait Simonette, qui riait parmi ses larmes. « J'ai pleuré, que je n'y voyais plus du tout, notre bonne demoiselle. Ce que c'est que de nous, je n'avais pas pleuré beaucoup plus quand on nous a dit que vous étiez morte. » Elle porta la main de Reine à ses lèvres en ajoutant « Et pourtant, je donnerais 1000 fois ma vie pour l'amour de notre chère maîtresse. Vous le croyez bien, n'est-ce pas ?»« Je le crois, ma bonne Simonette. Mais quand on ne sait pas qu'on aime, voyez-vous, et que ça vient comme ça, tout d'une fois, il paraît que c'est plus fort. Figurez-vous que c'était justement aux branches du grand pommier qu'il voulait pendre mon pauvre Jeannin, et si vous n'étiez pas venu... » « Ah, mon Dieu !» fit-elle en s'interrompant. « Je le disais tantôt à Jeannin qui fait l'homme, Ouida, depuis qu'il a été pendu à moitié. Je lui disais, si tu ne te fais pas couper en morceaux pour notre demoiselle, toi, tu peux chercher une autre promise. Et savez-vous ce qu'il m'a répondu? Car c'est étonnant comme il devient farot. Que t'a-t-il répondu, ma fille ? Il m'a répondu, si tu ne parlais pas comme ça, toi, quand il s'agit de notre demoiselle, tu pourrais bien chercher un autre promis. En vérité, vrai comme je vous le dis, ça vous change fièrement un jeune gars de lui mettre la corde au cou. Et vous pensez si ça m'a fait plaisir de le voir vous aimer autant que je vous aime, mademoiselle Reine ? Reine était distraite. Simonette se tut et se prit à la regarder d'un air malicieusement ingénu. « Notre demoiselle, poursuivit-elle tout à coup, comme si une idée lui fût venue, vous ne savez pas quand il est arrivé et les filles et les gars disaient « Oh, le beau jeune seigneur ! Le beau jeune seigneur !» Reine rougit légèrement. « De qui parles-tu, ma fille » demanda-t-elle. Nous ajoutons pour mémoire qu'elle savait parfaitement de qui parlait Simonette. « Eh, mais, répondit celle-ci, de Messire Aubry, donc, avec son casque à plumes et sa cotte brillante. Les gars et les filles disaient encore, c'est le fiancé de notre demoiselle. Est-ce vrai, ça ? C'est vrai. Oh, tant mieux ! S'écria Simonette. Je voudrais tant vous voir heureuse. Comme il doit vous aimer, le jeune gentilhomme, et comme ce sera beau de vous voir tous deux à la chapelle du manoir. Dieu merci, les temps durs passeront, et la joie reviendra. Voulez-vous m'accorder une grâce, mademoiselle Reine ? Une grâce, ma pauvre enfant, répondit Reine en secouant sa jolie tête blonde. Je ne suis guère en position d'accorder des grâces. Aujourd'hui non, mais demain. C'est pour demain la grâce que j'implore. Reine ne put s'empêcher de sourire, tant il y avait de caressante confiance dans la voix de Simonette. Eh bien, répliqua-t-elle presque gaiement, nous t'octroyons la grâce que tu sollicites, ma fille. Simonette lui couvrit les mains de baisers. Elle était joyeuse autant que si ses paroles fussent tombées de la belle bouche de Madame Isabeau, duchesse de Bretagne. « Merci, ma chère demoiselle, 1000 fois merci, » dit-elle. « La grâce que je vous demande, ce n'est pas pour moi, mais pour Jeannin, mon ami, qui ne gagnera guère à devenir mon mari puisque notre maison est brûlée. « Hélas, mon Dieu » ajouta-t-elle entre parenthèses, « qui sait ce que sont devenus la noire et la rousse dans tous ces malheurs-là » Et que puis-je faire pour ton ami Jeannin, ma pauvre Simonette ? Quand le noble Aubry sera chevalier, répondit la jeune fille, il aura besoin d'une suite. Je sais ce que vous allez me répondre. On dit que Jeannin est poltron comme les poules. C'est menti, allez, ma bonne demoiselle. Si vous aviez vu Jeannin quand il allait mourir, il pensait à sa vieille mère et à moi. Il priait le bon Dieu bien doucement, comme s'il eût récité son oraison de tous les soirs. Mais il ne tremblait pas. « Oh, il est brave, mon ami Jeannin, et je n'oublierai jamais l'heure que j'ai passée avec lui. C'était moi qui pleurais, c'était lui qui me consolait. » « Quand Aubry de Kergariou sera chevalier, dit Reine, nous ferons un bel écuyer du petit Jeannin. » Simonette, qui n'avait pourtant pas sa langue dans sa poche, ne trouvait plus de paroles pour remercier tant elle était heureuse. Reine se pencha et lui mit un baiser sur le front. Les boucles légères et cendrées de ses cheveux blonds se mêlèrent à l'opulente chevelure noire de la jeune vassale. C'était un tableau gracieux et charmant. « Écoutez !» dit Simonette, qui tressaillit avec violence et se leva. Elle s'élança sur une pierre qui était en dehors du seuil et sa tête dépassa l'enceinte. Reine était déjà auprès d'elle. Leurs joues, qui naguère brillaient de jeunesse et de fraîcheur, étaient pareillement pâles. Tout leur corps tremblait. Sur le sable blanc de la grève, on voyait des objets noirs qui avançaient et semblaient ramper. La lune passa entre deux nuages.